Suis-je dans ton

cette maison, qui bien se jouit à puissant. Prêtre Virginum, Ama Mater Deus, Maria, sua in ania nua, hoc in januario, tendamus ad arrua, virtut un subsidio, gaudia sunt mutua, muto fatto vitio, reprobarum fatua, reprobaturatio. Thank you.